mwen pa bezwen domestik. L'argent même c'est de temps en temps Albaï maman chéri. Comment? Il retire petit parti par lui. Il met mon nez à pas. Mais green back à pas. Pour le pot de baï maman. Pour la marier. Dans boutique j'ai un homme non. Las billetas ya.